Was verfuckt mir? J'essaye ta technique, Phil, hein, avec le 1. Si au départ t'es pas calé, c'est pas bon. Ça y est, c'est calé. que je suis dans la solitude. Un mec, une fois dans un magasin de musique, il m'a fait une démonstration. préfère ça. C'est mieux comme ça. Je vais partir solo 1. Non, je pars. Ré, mi, fa, sol. C'est un sol, ça ? Pars solo 1. Oh, oh, oh. Hey, yeah. Et balance un riff.